Non, je suis en train de faire le vent qui souffle. Parce qu'on se croirait en Sibérie, enfin, on se croirait au Québec, en fait, à Paris. Et tu devrais parler encore plus dans une cage avec... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans le Rock Folk Show. Vous venez d'écouter un titre de Dimmu Borgir. Oh, c'était du Black Sinfo. Et nous écoutons Tom qui nous dit bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Rock Folk Show. Vous êtes à destination de 21h30 heure française. Nous intéressons un temps clair dehors, ensoleillé ici. Ouais, arrête tes conneries. Bah, non, ouais, mais, non, mais, il faut que ça décolle, non, mais là, t'atterris, là. Tant qu'on peut faire encore des conneries, autant en profiter. Faisons-les, parce que peut-être que Révolution, jours, c'est bientôt. Hein. Ouais, dans 15 jours, on pourra peut-être 10, plus. 10, 10, 10. Jours, tu peux en enlever encore deux. Hein. Okay. Enfin, 5. Je m'entends. Ouais, je m'entends, mais je suis loin. Donc voilà, ouais, merci. Bon, je t'ai demandé tout à l'heure, tu fais non, c'est bon. Bah, c'était bon, j'entendais bien la musique. Je sais pas, moi, j'ai pas goûté. Donc. Bon, allez, on reprend le fil de l'histoire. Nous sommes le 27 avril 2000. De l'an de grâce 2017. Je croyais que tu allais dire 22 avril 2001, moi. 21 oh. avril 2002 plutôt. Non, presque. Non, 27 avril 2017. Et ce soir, nous vous proposons un 100% zik nouveauté, mais en direct. Non, bien sûr, hein, ça n'est pas une rediffusion. Putain, on est en direct, c'est sûr. On est en direct. Attends, on se touche pas. Et tu veux, Suisse, pourquoi on est en direct? Parce que tu vois, là, il y a une place vide. Ah ouais. Jeanne, elle est partie à Genève. On la salue, hein, on lui fait coucou. Et puis, juste aussi vous dire que hier on a vécu un moment extraordinaire. J'ai vécu un moment extraordinaire avec les Bagdad Rodeo. Le concert était phénoménal. C'était au backstage From the Mill à Paris. Ils ont joué 2 heures. Et 2 heures de Bagdad Rodeo avec l'humour, avec la musique, avec la variété musicale qu'il y avait, c'était d'enfer. Et il y avait des stripteaseuses sur scène. Waouh, c'était super. Et dommage pour toi, Tom. Moyenne d'âge, 60 ans ? Non. Oh non, ah oui, tu veux dire pour les stripteaseuses. Non, dans la salle. Je parle en général, mais après je dis rien. Non, dans la salle, super jeune dans la salle. Voilà, bon, on a commencé cette émission 100% zik nouveauté avec Dimmu Borgir qui nous sort un double DVD live qui s'appelle Forces of the Northern Night. Et le titre que je vous ai choisi, c'était Progenies of the Great Apocalypse, enregistré à Oslo, je crois que c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons. Ça sort chez Nuclear Blast donc le 28 avril, c'est-à-dire demain. C'est du symphonique black metal, comme je vous le disais. Ça s'est formé en 1993. Ils nous viennent de Norvège. Norvège. Toi, t'es Norvège. Je suis complètement Norvège ce soir. T'es Norvège. Puis voilà quoi. Donc vous pouvez retrouver ce double DVD aussi en Blu-ray, bien évidemment. Et sachez pour la petite info que le nouvel album de Dimmu Borgir devrait sortir dans le deuxième semestre 2017. Ce sera le premier album depuis 7 ans. Eh ouais, quelle bande de feignasses! C'est surtout qu'ils s'étaient un peu séparés, je crois. Donc voilà. Et ce que vous entendez en fond sonore, mon cher Tom? Wolverine. C'est du metal prog. Sorti en 2016, ce groupe a été formé en 95. C'était suédois. Ils sont en kit. Ou presque. Ouais, presque. Ils nous viennent d'où? Suède. Non. Quelle ville? Stockholm. Bien. Et ils seront en concert demain. Voilà, à la boule noire avec Until Ride et Lost in Voilà. Et sachez que boule noire, vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34 pour 06 81 01 28 34 pour Alors on va faire un tirage au sort. Si tu envoies, il faut que tu envoies 8 cœurs. Mais des cœurs hein, parce qu'on a envie d'être aimé ce soir. 8 cœurs. Surtout Tom hein, il a envie d'être aimé. J'en donnerai 2 à Tom, je garderai les 6 autres pour moi. Il est égoïste, voilà. Non, parce qu'après, je vais les redistribuer aux filles. Mais d'ailleurs, ouais, si vous nous envoyez des cœurs... Non, mais moi, c'est quoi ? Non, si vous envoyez des cœurs, faut que vous soyez une fille avec une photo de vous. Moi, on m'envoie 8 cœurs, je donne 8 cœurs aux filles. Voilà. Parce que toi, tu en gardes... L'autre, il a même pas un demi-cœur sur lui et il veut que tu en donnes 8. Tu m'en donnes 2 et tu donnes les 6 autres aux filles. Moi, je donne les 8. Bon, en tout cas, j'en ai rien à foutre de ta gueule, tu vois. Ouais, mais moi, je m'en fous parce que les filles, je vous aime. Voilà. Et le Rock for Show, c'est fait. C'est à chaque fois, tout. Salaud, il coupe mon micro. Je coupe pas ton micro, c'est juste quand je t'ai mis un son pourri, donc je te l'améliore un petit peu. Ah, d'accord, ok. Donc, les filles, si le Rock for Show existe, c'est pour vous. Oh là là. Parce qu'il y a la femme de ménage qui est passée, elle a foutu le bordel. C'est pour ça que ton son était pour moi. Allez, pour continuer dans les nouveautés et dans les concerts, parce qu'on va vous passer des nouveautés en relation avec les concerts parisiens, nous allons parler d'un groupe de trash dont on vous a déjà parlé pas mal de fois depuis le début de l'année, puisque le nouvel album est sorti au mois de mars, le 16 mars exactement. Le groupe s'appelle Avoc. Ils ont sorti chez Century Media. L'album s'appelle Conformicide. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Intention to Deceive. C'est leur quatrième album, il fait 10 titres. Ils nous viennent de Denver, dans le Colorado, aux États-Unis, bien évidemment. Le groupe s'est formé en 2004 et ils seront, mon cher Tom, en concert après-demain. Après-demain, oui, au Petit Bain. Avec qui? Avec Wabringer. Waouh, waouh. Gorod. Wow. Tu dis pas c'est la VAR, tu dis c'est la. Enfin si, la VAR. Wabringer. La VAR Wabringer de Molière. Wabringer. Avec Gorod et Extreme Mortus. Exactement. Et justement, puisqu'on parlait de Wabringer, eh bien c'est le titre qu'on vous passera juste après, tiré de leur dernier album, Who to the Vanquished. Vanquished. Ouais, Vanquished. Et le titre t'en que fais je... Du bien, t'en fais bien une quiche, toi. Ouais, une quiche. D'ailleurs, qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? À chier. Le titre qu'on va écouter... Après la quiche, on fait du à chier. Hein. Ouais, mais le titre qu'on va écouter, au lieu de raconter des conneries Women Violent. Bien. C'est sorti chez Napalm Records, ça c'est sorti le 31 mars. C'est le cinquième album du groupe, s'ils font du thrash metal ouais, également. Je sors les couteaux alors. Ils se sont formés en 2004, États-Unis, Californie, là où le soleil brille tout le temps. Et ils seront donc en concert le 29 à Paris, au Petit Bain, avec Avoc Gorod et Ex Mortus. Nous enchaînerons avec un excellentissime nouvel album français. Oui, monsieur, oui, madame, oui, mademoiselle. Ce groupe est ouais, français. Ouais, mais c'est pas du chant français. Il s'appelle One Last Shot. Je suis désolé, c'est pas du chant français. On s'en fout, c'est un super groupe de rock'n'roll qui a fait une super session acoustique. C'était samedi soir. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir. On vous a mis quelques extraits d'ailleurs sur la page de Philemon, ou je sais plus, ouais, c'est Philemon, je crois. Avec les vidéos. On vous a mis 6 ou 7 vidéos. Et on vous mettra pas les autres, parce que le groupe m'a demandé de pas les mettre, donc je les mettrai pas. Mais sinon, sachez que j'avais l'intégralité de la session live qui a eu lieu au Dr. Feelgood. On salue ce magnifique bar. Voilà. Donc One Last Shot sort son nouvel album qui s'appelle Heaven Cowboys Have Sundays. C'est sorti le 22 avril. Et le titre que je vous propose d'écouter ce soir, mon cher Tom, One Night Stand. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ils nous viennent de Paris, ils se sont formés en 2013. Ils ont fait un festival, ils l'ont fait deux fois. Ça s'appelle... Ouais, ils ont participé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Paris Metal France Festival. Ah, deux d'accord. Fois, ils ont participé. Une fois en 2013, au moment où ils se sont formés. Puisqu'ils se sont formés sur les cendres de The Outburst. Donc on avait fait jouer The Outburst. Et juste après, on avait fait 3 titres de One Last Shot pour montrer ce qu'était devenu le groupe. Et donc, ils ont joué cette année. Au même concert? Oui, dans le même concert. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont posé les instruments, ils ont dit, bon, maintenant, c'est One Last Shot, ils ont mis leur chapeau de cow-boy et tout, ils ont fait... Voilà. C'était cool, hein, c'était sympa. Et donc, cette année, eh bien, on les a fait jouer au Paris Metal France Festival, le 6e du nom. C'est leur premier album. Juste avant, était sorti un EP qui s'appelait First Gear. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, c'est génial. Et surtout, ils seront en concert le 2 juin à Paris. Mais ils seront pas tout seuls, ils seront avec Hell of a Ride, Flayed et Frantic Machine, encore un groupe qui a joué au Paris Metal France Festival Frantic Machine. On vous donnera plus de détails, on fera gagner certainement des places en temps voulu, puisque nous... C'est où le concert, est-ce que tu mets Paris? J'ai pas mis... Tu sais pas où faut chercher okay. Il faut chercher, voilà. On vous en reparlera tout à l'heure au débriefing. On enchaîne ensuite avec Seven Kingdoms, un autre groupe américain qui nous vient de Floride, là où il fait chaud tout le temps, qui nous sort son album qui s'appelle Decennium, et c'est le titre qu'on vous passe, c'est Stargazer. Alors ça n'a rien à voir avec le Stargazer de type Purple ou de Rainbow, c'est vraiment un Stargazer à eux. Sorti chez Napalm Records, ça sortira le 5 mai, donc vous voyez, c'est un petit cadeau qu'on vous fait. C'est du heavy power mélodique avec chant féminin. C'est le quatrième album du groupe. Il contient 10 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ils se sont formés, oui, en 2007. Et ils nous viennent de Orlando. Voilà. Ce sera à la boule noire en fait. Hein. C'est à la boule noire pour One Last Shot. Okay. Oui, oui, c'est vrai. En plus, je savais. Oh, je savais. Mais heureusement, c'était pour voir si tu suivais, si tu bossais un peu. Ah, donc, je bosse toujours, sauf que des fois, j'ai pas envie. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'aimerais enfin, c'est des fois encore, c'est vrai. J'aimerais... Ouais, voilà. T'as rarement. Bon, enfin bref, nous allons vous envoyer la musique. On commence avec Avok. On continue avec Warbringer. One Last Shot. Et on termine avec Seven Kingdoms Music, mon cher Tom. Good evening, I'm Lyle Watt, and in the news today we cover trivial stories to distract you from what's really going on in the world. It's 5 o'clock, and here's what we want you to think. We'll be right back. Yeah. avez... C'est bon ? J'espère que vous avez bien tous apprécié ce petit quart d'heure musical. Arrête de faire du bruit, de Dieu, il fait n'importe quoi. C'est la rythmique. Ouais, la rythmique de ETHS, ETHS, le groupe qui nous fait ses adieux. Alors si c'est comme Scorpion, si c'est comme le PMFF, je crois qu'on va les revoir. Hein. Parce que le PMFF, on va le revoir ? Bon. Non mais nous on a fait nos adieux déjà en 2013, on ah est revenu, voilà quoi, tu vois, donc c'est pour Scorpion, ça que tu Scorpion c'est pareil. Voilà, le titre que vous écoutez c'est un titre de l'album de Anka, le dernier album sorti en 2000 quelque chose, 16 je crois. 2016 chez Season of Mist, voilà. Et le titre c'est Kumari Kandam. Bien, bien, pour une fois qu'il nous dit des choses intelligentes. Et c'est quoi l'actualité de Hetz? Ils sont où? Ils sont chez eux. Pourquoi tu dis ça? Y a pas un truc? Ah, il y a le dernier concert le 30 avril au Trianon. Voilà. Merci, ils s'en Tom. Vont. Merci Tom. Et qu'est-ce qu'on a écouté juste avant de reprendre l'émission? Oui, avant de reprendre le Rock for Show, la 87ème émission. Seven de... Kingdoms juste avant, et avant on avait écouté One Last Shot qui sont les chouchous de Phil. Ouais. Et Warbringer. Et tout premier titre qu'on est parti. Warbringer, pas Warbringer. Warbringer, War, la guerre Bringer. Voilà. Et avec A. Avocat. Oh putain. Je suis désolé. Franchement, auditeur, je suis désolé. Tom n'a plus toute sa tête. Même s'il est plus jeune que moi, je peux vous et dire. Et tout ça, c'est ton concert. Il y a du monde dans sa tête. Et tout ça, c'est en concert très prochainement. Surtout Avoc et Warbringer qui sont tous les deux en concert le 29 avril au Petit Bain. Voilà. Exactement. Avec Gorod et Extreme Mortus. Exactement. Et nous allons continuer par dire bonjour à Eric Flynn qu'on avait oublié. On salue le Québec, on salue l'Amérique du Nord. John, qu'on enfin, les Américains. Américains. D'un groupe à lui en fin d'émission. H. Ouais, et on salue également. Bah, on le salue ou pas? Non, pas lui. Il le mérite pas? Non, pas aujourd'hui, non. Oh non, on le mérite pas. Il a pas été sage. Il est toujours en délire en plus, ce mec-là. Ouais. Hein. Faut que tu nous envoies 2-3 bouteilles et puis là on pourra. Non, mais tu te rappelles de cette émission sur la 3, sur France 3? Laquelle? Hugo Délire. Oui. Hugo Délire. Tu sais, c'était un jeu où il fallait que tu joues avec les touches de ton téléphone, le faire aller à droite, au milieu ou sur les côtés. Je m'en tu te rappelles de ça? Ah ouais, c'était, et puis tu appuyais plusieurs fois. Mais ça, c'était sauter. Dans les années. Parce que moi, j'étais très très jeune. Ouais, ça doit être que. 90, 95 même. Ouais, par là, ouais. Voilà, donc, Hugo Délire. Voilà, on va l'appeler comme ça maintenant, Hugo. On va l'appeler Hugo Délire. J'ai un vague de souvenir de cette émission-là. Tu vas très loin là. Ah bah moi j'ai des références, monsieur. T'es psychiatre, oui, mais on n'a pas le même âge. Hein. Il y en a qui sont à la retraite et d'autres pas. Ouais, mais j'aimerais bien être à la retraite. Hein. J'en ai marre, moi, de faire cette émission depuis 34 ans. Hein. Ça suffit maintenant. Bon, nous allons continuer dans. Tu l'as voulu, tu l'as eu, hein, comme on disait tout à l'heure. Ouais, dans le fut. Nous allons continuer avec de la musique, avec encore des nouveautés. Et cette fois-ci, c'est avec le nouvel album de Akroma qui nous revient. Avec un album qui s'appelle Apocalypse Requiem, sorti chez Fantasic Productions, et ça sortira le 13 mai. Non, le 12 mai. Le morceau, c'est Kiri, et ce n'est pas le clown. Hein, je t'ai vu venir. Kiri, oh là là, Kiri, Kiri, Kiri. Ça, c'est le fromage. Voilà. Bah oui, Kiri le clown, et Kiri, Kiri, Kiri, Kiri. Et non, ce n'est ou pas... la vache. Ou la vache Kiri également. Non, là, c'est le... C'est un titre, donc, de Akroma. Comprenne qui pourra. C'est le quatrième album du groupe. Ils font du black metal sympho. C'est pas mal foutu du tout. Hein. C'est avec, ouais, avec chant féminin, chant masculin. Ils se sont formés en 2003. Ils nous viennent de Nancy, en Lorraine, bien sinon, évidemment. Sinon, ils viennent de Nancy. et on retrouve monsieur Dirk Verbeuren à la batterie sur cet album. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe qui nous vient de Suède, hein, là où il fait froid. Le groupe s'appelle The Night Flight Orchestra. Et c'est leur troisième album, c'est ça? C'est leur troisième album, ils sont formés en 2012 et sont chez Nuclear Blast et leur album s'appelle Amber Galactic. Oh là! J'étais trop vite, j'étais trop confiant. Il boit, c'est pas beau de boire. Tu te savais que c'était pas beau de boire? Faut boire pour oublier, oublier de boire. Il faut boire avec modération. Ouais, non, boire avec pour des oublier, amis, t'en oublier as qu'un. Boire. Enfin, je sais pas si je suis ton ami d'ailleurs. Mais. Ami, madame. D'accord. Et le titre que l'on va écouter, c'est Midnight Flyer dans sa version Edit. C'est-à-dire que vous l'aurez. Et Marcel, hein, bien entendu. Vous l'aurez pas en entier. Là, Marcel. Ça sortira. Bah non, Edit surtout. Et vous l'aurez. Je voyais pas, le rapport. Moi, je te dirais Piaf, mais. Bah, c'était ça. Et cet album sortira le 19 mai 2017. Nous enchaînerons ensuite avec The Defibrillator. Ça, c'est pour toi, parce que ça va pas très bien ce soir. The Defibrillator, qui nous sort son deuxième album. Non, c'est un premier album, mais c'est... avant, il y avait un EP. Ouais, c'est un autre produit. C'est sorti le 1er avril. Ça nous sort pas. C'est sorti déjà au début des mois. Ouais, presque. Mais non, c'est pas le premier. C'est sorti en avril. Je sais pas quand, mais c'est sorti en avril. Oui, mais c'est Electric Feat, leur premier album, et en autoprod. Ouais. Fist, pas, c'est pas Fist. Fist, oui, Fist. Voilà. Parce que Feat, c'est les pieds, et Fist, c'est le poing. Tu veux que je te montre ? Si je te mets mon poing au cul, si je te mets mon pied au cul, tu vois, c'est différent. C'est différent, c'est pas le même effet. Mais non, mais je te le dis, quoi. Non, mais là, C'est pour t'apprendre les différences. C'est de la vulgarité. Tu vois, ça c'est juste, on t'aime bien. Hein, et ça, on t'aime beaucoup. Mais ça, et l'autre, c'est. Enfin bref. Oh, je vous mets pas d'image, ça pourrait vous faire mal. Non. Et ça pourrait vous choquer. Le titre. Riff for Glory. Bien, voilà, c'est bien. Et puis on se retrouve après. Ouais, et puis on salue Hugo parce que Hugo est content qu'on parle de lui. C'est vrai ? Et il est là, Hugo ? Bon, Hugo, on peut pas te répondre hein, quand tu nous envoies des messages parce que pendant ce temps-là, nous, on boit un petit coup, on mange. Et puis Tom, un petit coup, c'est agréable. Je tape un peu sur la tête de Tom et tout. Allez hop, on envoie la musique, à tout à l'heure. à la population. Nous un ami à la population. Ouais, il nous faut du miel pour le monsieur. Nous avons perdu une personne. Nous avons du Chris. Chris, allô Chris. Ah oui, Chris, notre auditeur fidèle. Alors, on a Hugo Délire. Salut Hugo. Il est content Hugo. Il est content, on lui a trouvé un surnom. Alors, il est content. Qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom? On écoutait quoi? Je crois que la question, elle est claire. Monsieur Tom, je vous demande, le monsieur te demande qu'est-ce que l'on a écouté sur RadioQuébec.biz, Rockfort Show et Radio Biz. S'il vous plaît, maintenant, ce serait bien de débriefer un petit peu. Merci. De rien, monsieur, je vous ai compris. Donc, on a écouté Acroma avec le titre Kirishi. Et extrait d'album. C'est pas la peine de tout nous répéter, on l'a déjà dit. Je te demande juste le nom des groupes. The Night Flight. C'est toi? The Night Flight Orchestra, The Defibrillator et à l'instant en fond sonore, Atlantis Chronicles. Et pourquoi on les écoute? Parce qu'ils sont en concert. Bien. Au Gibus Live. Bravo. C'est à Paris. Bravo. C'est le 30 avril. Oui. C'est ce week-end. Mais ils sont pas tout seuls. C'est hein, samedi soir. Et comme tu n'as pas. Non, c'est dimanche soir. Tu n'as même pas fait gaffe. Je m'en fous, tu dis que des conneries. Et c'est quoi les autres groupes qui y a avec eux? Je vais aller chercher sur l'autre feuille que tu ne m'as pas envoyé. C'est si, je te l'ai envoyé. Tu l'as là, la feuille là. Tu l'as quelque part par là. Ah non. Non, tu l'as pas. Bah non, je l'ai pas. C'est pour ça que je vais aller la chercher. Allez, va chercher. Allez, va chercher, ouais, cherchez la note. Trouve-moi que... Hein, et l'Arcadia et The Dali Sundersing Concept. Et en plus encore, j'ai dit The Monkeys Bollocks. Voilà. C'est un plateau de 4 groupes. Ouais, c'est un plateau de 4 groupes. C'est donc... un plateau Emerganza. Je ne sais pas. Non, je pense pas à 4 groupes. Non, mais je crois que c'est un tremplin, il me semble. Je suis pas sûr. Ouais. Pas sûr, je crois que c'est un festival ou un truc comme ça. Et il y a plusieurs soirées, mais celle-là, c'est la soirée du 30 avril, donc ce sera... Moi, je préfère la soirée du 20, c'est plus agréable. Gibus Live, ça doit être... C'est République. C'est République, d'accord. Faubourg du Temple. Très bien. Et je préfère la soirée du 20 que la soirée du 30. Et bien maintenant, on va mettre de la musique de vieux. Oui, madame, on va mettre de la musique de vieux, parce qu'il s'agit de Uli Jon Roth. Alors, voilà, pour gagner des places, hein, eh bien, il va falloir nous dire qui est Uli Jon Roth. Alors, Tom, tu veux une place? C'est qui Uli Jon Roth? Ah non, c'est dégueulasse. Tom, c'est dégueulasse. Franchement. Excusez-moi. Franchement. Tu vas me dire Roth. Hein, heureusement que j'ai pas monsieur Jean-Bernard Prout. Parce que, heureusement qu'on est contre le testostérone. Oh là là là là. Ça se fait pas. Hein. Mais on est en train de perdre des auditeurs là. Et c'est d'un niveau même pas maternel supérieur ça. Hein, ça va pas du tout ça. Bon allez, Uli Jon Roth qui nous sort, enfin ce qui sera en concert surtout. Oui mais t'as pas le droit de dire qui c'est donc on en parle pas. On va vous passer un titre issu de Tokyo Tapes Revisited Live in Japan. Le titre c'est Virgin Killer. Je suis avec tout ça, vous savez pas qui est Uli Jon Roth et c'est sorti chez UDR. Il est guitariste, bien entendu. Et si vous voulez prendre un petit bain avec eux, c'est le 28 avril. Voilà, le 28, demain soir, ils sont au petit bain pour justement jouer que des titres de qui vous savez. Nous enchaînons ensuite avec Statu Quo. Alors si c'est Statu Quo, on bouge pas, hein, mais voilà. C'est le morceau Rockin' All Over the World, tout simplement parce que le groupe sera également en concert. Alors je t'ai pas mis la date, alors il va falloir que tu la trouves. Et c'est à la salle Playel, monsieur. Et t'as Tom. Des places pour ça? Non, j'ai pas de place. Non, c'est juste pour rappeler. C'est toi qui scrutes, t'as pas de place. Non, j'ai pas de place pour la salle Playel. J'aurais bien aimé aller les voir. Une Jon Roth, t'as des places, mais Statu Quo, t'as pas de place. Non, voilà. 06 81 01 28 34 par contre. Hein. Mais par contre, Statu Quo, j'aimerais bien que tu me dises quand est-ce que c'est. Je crois que ça doit être début mai, si mes souvenirs sont bons. Et s'ils sont pas bons, ben, il va falloir que tu nous le dises. Monsieur Tom. Ouais. Non, ouais, c'est bien, ouais, c'est cool. C'est cool. D'accord. Si, c'est le 2 mai, mardi prochain. Donc voilà. 20h à la salle Playel. Voilà. Voilà, on vous a tout dit. Ensuite, nous enchaînons sur un autre groupe old school, puisqu'il s'agit du groupe Omen, un groupe ricain qui nous vient de Dallas, Texas. Ils sortent leur 7e album. Enfin, ils l'ont sorti. Hein. Le groupe s'est formé en 1983. Ils nous font du heavy metal. Et ils seront le 1er... Hein ? Ça doit être le 1er mai. Pourquoi 1er avril ? Non, ça va être le 1er mai. Ils seront le 1er mai donc au club à Paris avec le groupe français Existence qui a joué au Paris Metal Festival. Et ouais, quand tu, leur dernier album là chez Katargo Records, plutôt, excuse-moi. Non, Katargo. Essaye, Katargo Records. Ah, il y a H. Oui, mais on s'en fout. Katargo Records. Oui, Katargo, mais c'est sorti en 2016. Depuis chez Katargo, ils ont d'autres labels ou c'était toujours chez eux ? J'en sais rien. Non, je pense que. Ah non, c'est leur dernier label, Katargo Records. Mais depuis 2016 ou avant ? J'en sais rien. L'album s'appelle Hammer Damage et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Hammer Damage. Le titre éponyme de l'album. Et si t'as d'autres questions cons, Tom, hein, non, t'hésites mais Katargo, pas. Surtout. Katargo, ça va, hein, ça va aller. T'hésites pas. Hein, je sais pas pourquoi j'ai. Mais pourquoi tu veux savoir pourquoi? Parce que tu m'as en 2016 à côté, donc je veux savoir. Et c'est donc le 7ème album. On est en 2017, donc je me suis dit. Non, il n'y a pas d'autre album. Il ne sort pas un album tous les ans non plus. Hein. C'est des vieux. Omens sont vieux. Hein. Alors quand tu vois, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais tu quand me diras, tu vois. ADX, ils sont vieux aussi. Ils sont oui, pas, mais ils sortent un album tous les deux ans à peu près. D'ailleurs, on n'en passe pas de titre sur ça, mais non. On en parle quand même. C'est toi qui en parles. Moi, j'avais décidé de ne pas en parler. Bah, puisqu'on en parle, tiens, bah, le prochain concert, ce sera le 8 juillet. Et ce sera à Autun. Voilà, sur un festival. Si t'es hautain, c'est bien, mais il y aura Trust, il y aura plein de groupes avec eux. Et bien, on va vous envoyer la musique. Donc, on commence avec Uligan Roth. On continue. C'est en live, bien entendu. On continue avec Status Quo en live également, je crois. Et puis, on terminera avec Omen. A tout de suite. Yeah.

Sid fait le bookie. Hein. Il se informe quand même. Rock and roll, Led Zeppelin. Et juste avant, Omen alors. Excusez-moi, c'était Omen. Hein. Omen. Omen. Et justement, c'était Status Quo. Yes, et encore avant. Unigen Watt. C'est bien. Bon allez, Uli Jenroth, hein, premier guitariste de Scorpion. Vous avez été nombreux à nous appeler. Oh, la blague. Je sais pas, une personne n'a envie d'aller voir Uli Jenroth, donc en concert. Bah tant pis pour vous. On va garder les places, on va y aller nous deux. Hein, on va y aller. Ouais, pourquoi pas. Ah, on ira voir Uli Jenroth, c'est tout quoi. Donc pourquoi on vous passe Led Zeppelin? C'était pour continuer dans la musique de vieux déjà. Hein, ouais, mais de la bonne musique de vieux. Attention, hein, de l'excellentissime musique de vieux. Mais c'est surtout parce que le groupe LZ129 sera au Dr. Feelgood le 4 mai à Paris. Et qui retrouve-t-on dans ce projet? On avait dit qu'on parlait pas. Ça avait dit que je parlais pas d'ADX. Bah non, j'en parle pas. C'est le guitariste de Trashback, le nouveau guitariste de Trashback. Et le guitariste d'Altered Beast que nous avons vu dimanche dernier avec Hurlement et Cage, et c'était un super concert. Quel est le point commun entre Hurlement et ce groupe là? Et quoi? Et vas-y, vas-y, je t'écoute. Et quel groupe? Quel groupe? Les trois que t'as cités précédemment. Avant ça. Allez, nous allons passer à la suite de la programmation. Ah, pourquoi tu veux pas le dire? Bah, j'ai rien dit. En fait, de toute façon, t'as le t-shirt. Oui, et alors? Il est pas beau mon t-shirt? C'est pour ne pas dire, hein, c'est le guitariste d'ADX. C'est juste qu'il veut pas parler d'ADX, mais bon voilà. Allez, nous allons continuer dans. Ils seront en concert le 8 juillet. Mais tu vas me laisser finir, hein, au lieu de me couper la parole toutes les 5 secondes là, monsieur. Hein, Joe Bonamassa, ça vous dit quelque chose? C'est un bluesman, guitariste, excellentissime. Personnage qui sera lui aussi en concert. Vous êtes bien dans le Rock for Show, je vous rassure. Bah oui, on est dans le Rock for Show sur RadioQuébec.biz et sur Radio Biz et sur le Rock for Show. Non, parce que vous passez et sur Tom, sur Tom Radio. Tom Rider. Tom Rider, d'accord. Bon, allez, au lieu de raconter des conneries là, parce que tout le monde. En fait, quand on donne des infos, ce qui est bien, Tom, c'est qu'il y a une, tu vois, une ligne directrice. Parce que si on passe du coq à l'âne que tu es. Non, de l'âne au coq. Ça fait mal, ça. Du coq à l'âne, eh ben, à la fin, les gens ne savent plus de quoi on parle. Donc, Joe Bonamassa sera en concert, monsieur. Oui, il sera en concert au Palais des, il sera en concert au Palais des Congrès, porte de Versailles, si je ne m'abuse. Yes. Le 4 mai prochain, jeudi. Non, pas aussi, porte de Versailles, ouais, porte de. Oui, ouais, c'est ouais, ça. Versailles, ici, Bruno. Enfin, Porte Maillot, c'est Porte Maillot. Sud-ouest. Non, Palais des Congrès, c'est pas Porte Maillot. Je vérifie. Si, je crois que c'est porte-maillot. C'est porte-maillot, c'est porte-maillot. Cherchez pas, c'est porte-maillot. Donc, l'album est sorti en 2014. Enfin, celui qu'on va vous diffuser ce soir est sorti en 2014 chez Mascot Records. Il s'appelle Different Shades of Blue. Et le titre que je vous propose de découvrir est Different Shades of Blue. Bien entendu, je me suis pas fatigué. Hein, il fallait bien trouver un titre. Et bien, j'ai choisi celui-ci. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe qui s'appelle BLVL. Le titre que je vous propose, c'est Falling Rain. C'était un petit peu ce qui se passait depuis deux jours sur Paris. L'album s'appelle Empire of Night, sorti chez Mighty Productions demain, ça sortira. Ils nous viennent de Paris, ils nous font du rock, c'est un quatuor. Ils se sont formés en 2014. C'est du rock atmosphérique, urbain et contemplatif, teinté de nappes électro. Voilà, pour tous ceux qui veulent quelque chose de complet. Là, on est dans la partie un petit peu plus mou du genou, hein, de l'émission, parce qu'il en faut aussi, puisqu'on recevons aussi des CD un peu mou du genou. Et nous enchaînerons donc avec Rich Robin, tiré de l'album Trigger, et j'ai choisi le titre. Ouais, d'accord, Tom il suit vachement. J'ai disparu. Trigger. L'album est sorti, c'est une autoproduction qui est sortie en février 2017. Le groupe s'est formé en 2014 et ils nous viennent de Lille. Non. Voilà. On a beaucoup de choses à dire après. Ouais, on brodera un petit peu, hein, parce qu'il y a des titres un peu longs. Donc je pense que là, il est presque 21h à Paris. Hein, donc il doit être presque 15h. À Québec. Ouais. Ah, c'est bien ça. Presque, ouais, presque. Hein, moins 10, quoi. Il doit être moins 10. Et donc nous allons envoyer la musique. On va rappeler le numéro de téléphone, parce que c'est marrant de rappeler le numéro de téléphone. Et j'aimerais que seules les filles, si vous voulez gagner des places de concert, nous envoient leurs photos. Hein ? Comme ça on les enverra à Hugo après, ça lui fera plaisir. 0033 681 01 28 34. Ouais, ou alors 06 81 01 28 34, oui, pour la France. Moi je parle pour l'étranger. Ah, tu parlais à l'international. Oui, comme ça même les Français peuvent t'envoyer un SMS. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour que nos amis d'outre-Atlantique puissent me l'envoyer aussi. Ouais, si, voilà. Ouais. Ça peut être cool. Ce n'est pas un numéro surtaxé, je tiens à le préciser. Par contre, Hugo, t'es pas obligé, tu peux t'abstenir. Hugo, t'as déjà toutes les filles que tu nous mets chaque jour là sur Radio, RadioQuébec.biz. Donc, on verra si on t'envoie les photos. Hein. T'en as des vachement jolies en plus. Donc, on like pas tout, hein, parce que sinon, après, tu vas nous en mettre encore plus. Bon, on envoie la musique. C'est parti avec avec quoi déjà ? Joe Bonamassa. Ah oui, Joe Bonamassa. Allez, ouais. Musique. Shades of blue. Don't be so blind. Open the door and let me be. I'm blue. J'espère que vous passez une agréable écoute en notre compagnie. Et pour tous les nouveaux clients qui nous découvrent, il est temps de faire plus ample connaissance. À la basse ce mois-ci, il est aussi jeune que son âge. J'ai nommé Mathieu Bonson. Eh oui, de retour dans les studios. J'espère que cette émission vous plaît, mon cher Tom. Salut Mathieu, ça va? Ce soir, nous bradons le Rock for Show. Vous avez une double dose de Rock for Show si vous réécoutez sur radioquebec.biz ce soir à partir de 20h30. Oui! Ce qui se fait 2h30 heure française. C'est ça, 2h30 ou 4h30? Non, tu rajoutes 6. Hein. Ouais. Bon, et eh bien il est 21h, passé de quelques minutes. Mais on a dit qu'au Québec il était diffusé à 20h30, c'est-à-dire qu'on a 36 minutes d'émission, c'est tout. Il y a un problème. Ouais, c'est en France. Ah merde. Donc ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Ultra Vomit. On vous passera le morceau en entier, tiens, à la fin de l'émission, pour rigoler. Puisque l'album sort demain chez Vericor. Et qu'il s'appelle, excusez-moi, Panzer Surprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est du grindcore, bien sûr, qui nous vient de Nantes. Ça s'est formé en 1999, c'est le troisième album du groupe. Et il compte 22 titres. Surtout, le groupe sera en concert le 5 mai. Ouais, mais fais ce qu'il te plaît. À Paris, à l'Alhambra. Voilà, ça sera avec les Furies. Furies qui était un groupe du Paris Metal France Festival. Le dernier, le 6, bien évidemment. Comme quoi, vous voyez, on plébiscite toujours les groupes les mêmes, hein, puisque c'est des amis, donc on va les voir. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait écouté auparavant? On avait écouté du rock, hein, c'était très très blues rock, hein, ce que je vous ai passé. Donc Joe Bonamassa, BLVL, et on avait terminé avec le groupe... Rick Rubin. Et Cal, exactement. Voilà. Eh bien, on va continuer avec encore des nouveautés. Je ne sais pas si on l'avait passé la semaine dernière, mais je crois qu'on l'avait passé en fond sonore. C'était du black metal. Ça s'appelle Pylorian. L'album s'appelle Obsidian Arc. Et le titre que je voulais vous proposer de découvrir ce soir s'appelle Arcane Divinity. C'est sorti au mois de mars, hein, le 10 mars, c'est sorti. Je ne sais plus sur quelle maison de disques, je crois, je ne sais plus, donc je ne pourrais pas vous en dire plus que ça. C'est le premier album, je crois, du groupe, il fait 7 titres, c'est du black metal. Ils se sont formés en 2016, ils nous viennent des États-Unis, de Portland, dans l'Oregon. Et ils étaient en concert le 24 à Paris. Avec Inquisition. Donc pour ceux qui ont été le voir, j'espère que vous avez aimé. Nous on n'a pas pu y aller, hein. Donc voilà. Nous allons enchaîner encore avec des groupes français, puisqu'il s'agit de Babylon Pression, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Heureux d'être content. Ouais, j'aime bien ça. C'est un titre d'album que j'aime beaucoup. Par contre, je trouve ça... Ça va bien avec Ultra Vomit, hein. Ils auraient pu tourner avec Ultra Vomit, Gronibar, puis quelques-uns, quelques d'autres. Mais je trouve pas ça... Je suis pas rentré dans l'album, pour tout vous dire. La Loi de la Rue, c'est le titre que je vous ai choisi ce soir. Chez Deadlight Entertainment, ça sort le 21, enfin c'est sorti le 21. Avril, bien entendu, c'est du hardcore punk. Ils se sont formés en 1998, ils nous viennent de Marseille, elles sont français donc. Bref, là c'est pas l'accent marseillais. Non, mais j'avais envie de le faire comme ça. Comme on a un peu de temps, je voulais aussi vous parler d'un Canadien qui s'appelle Matt Chanway et qui est un shredder invétéré là-bas, invertébré aussi. L'album est sorti le 25 décembre 2016. Le morceau s'appelle Evidence of the, Arcane. C'est une autoproduction canadienne. C'est le premier album de ce monsieur. Et voilà, et donc c'était pour faire un petit clin d'œil à tous nos amis canadiens. Et on se retrouvera peut-être après si on a le temps. Oui, on aura le temps. On aura largement le temps. Je pense qu'on aura le temps. Et on vous annoncera quelques petites dates de concert comme ça pour meubler jusqu'à la fin. Et puis surtout, on vous repassera certainement le morceau de Ultra Vomit, hein, pour se quitter. Voilà, donc on envoie tout de suite Pylorian. C'est parti. We'll be right back. Yeah! il est gentil Tom, hein, il nous a mis Bagdad Rodeo parce que ça m'a kiffé grave notre trace hier soir. Le titre s'appelle Le sens de la vie, c'est génial, on vous le remettra en entier. Hein. Là c'est juste pour vous dire ce que l'on vient d'écouter puisque mon PC va bientôt s'éteindre et que l'émission va être bientôt terminée. Nous avons écouté donc Pilorian et puis quoi mon cher Tom Babylon Pression et Matt. Les feuilles sont parties en éclats. Enfin, voilà, c'est le bordel en studio, c'est la fête, il y a du champagne partout. Allez, on fait des bises à tous nos auditeurs et surtout à nos auditrices. Il y a les femmes qui sont arrivées, mais on ne s'entend pas trop. Hein. Et on va saluer tous nos amis canadiens. Vous pourrez réécouter cette émission en différé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sur la semaine prochaine, on sera aussi en direct. On va faire une émission. On va voir. Il y a un pont qui se profile puisque c'est le 1er mai, lundi. Donc j'aurai peut-être le temps de préparer une émission pour la semaine prochaine. On verra ça. En tout cas, c'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le fort show. À la semaine prochaine, tout le monde. On vous laisse avec Bagdad Rodeo, le sens de la vie. Bye bye. Qu'à l'école, on m'a souvent demandé ce que je voulais dans la vie, si j'avais une idée, que faire du rock'n'roll, c'était pas un métier. Mais c'est marrant. J'aime pas trop la police, je voulais pas être pompier. J'aime pas trop les églises, je voulais pas être curé, ni être syndicaliste, car j'aime pas trop marcher. C'est fatigant. Je voulais pas devenir cosmonaute en Russie. Je voulais pas devenir manager d'un franprix. Je voulais pas qu'on m'emploie dans une charcuterie. J'aime pas. J'ai réfléchi et au final j'ai trouvé une idée de génie comme toutes celles que j'ai. On n'a qu'une putain de vie, alors pourquoi se faire chier? Je veux voir des meufs à poil, toucher des seins, même si ça sert à rien. Je veux voir des meufs à poil, toucher des seins, même si ça sert à rien. J'ai compris tout au long des années, pour que mon rêve devienne une réalité, qu'il fallait de l'argent et surtout travailler. Mais c'est trop chiant. J'aimais pas les études, je me faisais chier au lycée. Je claquais toute ma thune pour aller répéter. Je battais des films de cul pour me faire patienter. C'est excitant. Je voulais pas devenir CRS à Paris. Je voulais pas devenir dictateur en Libye. Je voulais pas qu'on m'emploie dans une pâtisserie. J'aime pas le. Et au final j'ai trouvé une idée de génie pour faire ce qu'il me plaît, pour que ma vie soit cool et ne pas m'emmerder. Je veux voir des meufs à poil, toucher des seins, même si ça sert à rien. Je veux voir des meufs à poil, toucher des seins, même si ça sert à rien. Je vois des meufs à poil, toucher des seins.